Le camarade Kim Jong-un a reçu messages et lettres de félicitations de divers pays du monde pour son élection au poste de président du Parti Travail de Corée. Ce sont les dirigeants des partis politiques népalais, mongols, syriens, allemands, roumains, russes, nigériens, mozambicains, vénézuéliens et péruviens, les hautes personnalités politiques, sociales, militaires et économiques chinoises, cubaines, laotiennes, malaisiennes, britanniques, autrichiennes, zambienne, mexicaine, équatorienne et du Congo démocratique, ainsi que les représentants des institutions internationales, des formations d'études des études jetées, de soutien à la réunification de la Corée et d'amitié. Les dessinateurs ont indiqué que son élection au poste de président du Parti Travail de Corée est la chance et la gloire suprême du parti, de l'armée et du peuple coréen, et affirmé qu'il est l'homme politique le plus illustre de l'actuelle époque et le symbole de la dignité et de la victoire de la Corée de Songun.